Chapitre 5e. Dès que nous fûmes hors de la baie et qu'on eut préparé les chaloupes à bord, je fis route vers l'île d'Oahaïm, où je me proposais de toucher, et qui est éloignée de Tahiti d'environ 25 lieues. Nous l'aperçûmes le 3 au matin, et nous courûmes sur le havre d'Ouara, où la Résolution mouilla. Aussitôt que nos bâtiments furent en sûreté, je débarquai avec le capitaine Furneaux, et les insulaires nous reçurent d'une façon très cordiale. Je leur distribuai quelques présents, et bientôt après ils nous amenèrent des cochons, des volailles, des chiens et des fruits, qu'ils échangèrent contre des haches et des verroteries. Ce trafic eut lieu à bord même des vaisseaux, de sorte que nous pûmes espérer être abondamment pourvus de porcs frais et de volailles, perspective fort agréable dans la situation où nous étions. J'appris que mon vieil ami Oreo, le chef de l'île, vivait toujours, et qu'il venait en hâte au-devant de nous pour me voir. L'aspect du pays est le même que celui de Tahiti, mais en petit. La circonférence de toute l'île n'est que de 7 à 8 lieues. Les plaines ont peu d'étendue, il y a à peine quelques collines entre elles et les hautes montagnes. La contrée offre cependant d'agréables points de vue. Le 4, j'allais avec le capitaine Furneaux et M. Forster faire une première visite à Oreo, qui, à ce qu'on me dit, m'attendait. L'un des insulaires me conduisit à l'endroit où il était. Mais on ne nous permit pas de sortir de la chaloupe avant d'avoir accompli la cérémonie suivante que les habitants de cette île pratiquent ordinairement en pareille occasion. On apporta à notre bord, les uns après les autres, et avec quelques simagrées, 5 petits bananiers, qui sont leurs emblèmes de paix. 3 petits cochons dont les oreilles étaient ornées de fibres de noix de coco furent amenés avec les 3 premiers et un chien avec le 4e. Puis le roi m'envoya l'inscription gravée sur une petite plaque d'étain que je lui avais laissée en 1769. Elle était encore dans le même sac où je l'avais placée. Il y avait en outre une pièce de monnaie anglaise et quelques grains de verre, ce qui prouve combien il avait eu soin de tout. Quand on eut mis à bord des bateaux, les bananiers, les cochons, le chien, etc., notre guide, qui se tenait toujours près de nous, nous pria de décorer 3 petits bananiers de miroirs, de clous, de médailles, de verroteries, etc. Nous obéîmes à l'instant, puis nous débarquâmes, portant à la main les bananiers ainsi parés, et on nous conduisit vers le chef. Les naturels du pays eurent soin de se ranger en haie sur notre passage. On nous fit asseoir à quelques pas du chef. On nous ôta des mains nos bananiers, et on les posa devant lui l'un après l'autre. Je voulus ensuite aborder le roi, mais on me dit qu'il allait s'avancer lui-même. Il vint en effet se jeter à mon cou. Il n'observait plus aucun cérémonial, car les larmes coulaient abondamment sur ses joues vénérables. Il se livra à toute l'effusion de sa tendresse. Il me présenta ensuite ses amis, et je leur fis à tous des présents. J'offris à Oreo ce que j'avais de plus précieux, car je regardais cet homme comme un père. Il me donna en route un cochon et une grande quantité d'étoffe. En outre, il me promit de pourvoir à tous nos besoins. On verra bientôt avec quelle exactitude il tint sa parole. Ce bon vieux chef vint me voir le lendemain 5, dès le grand matin. Il m'amena un cochon et des fruits, et de mon côté je ne manquais pas de lui faire de nombreux présents. Il poussa l'amitié si loin qu'il m'envoyait chaque jour pour ma table les meilleurs de ses fruits avec des racines tout apprêtées, et il n'épargnait pas la quantité. Le 6, je me rendis à terre après déjeuner, et j'appris qu'un des insulaires était très incommode et très insolent. On me montra cet homme, qui était tout couvert de rouge, complètement équipé en guerre, et tenait une massue à chaque main. Comme il me menaçait de ces 2 massues, je les lui arrachai, mais il fallut pour cela me coller avec lui et enfin tirer mon épée. Après avoir brisé les massues devant ses yeux, je le forçai de se retirer. Comme on m'assura qu'il était chef, je me défiai davantage de lui et j'envoyai chercher une garde, précaution que jusqu'alors j'avais cru inutile. Tous les insulaires convinrent que c'était un méchant homme, Tata Hino, et qu'on l'avait traité suivant ses mérites. Peu de temps après, M. Sparman, ayant imprudemment pénétré seul dans l'intérieur du pays, 2 naturels l'invitèrent à s'avancer plus loin et lui firent des protestations d'amitié, répétant souvent le mot « Tayo ». Mais profitant bientôt d'un moment où il regardait d'un autre côté, ils lui arrachèrent sa dague, la seule arme qu'il eut sur lui, et lui en donnèrent un coup sur la tête au moment où il se baissait pour s'armer d'un caillou. Ce coup le jeta par terre, et alors ils déchirèrent sa veste de satin noir et enlevèrent par lambeaux une partie de son habit. Cependant, il parvint à échapper à leur étreinte et s'enfuyant vers la grève, il les devança. mais il s'embarrassa les pieds dans des ronces, et les Indiens l'atteignirent. Ils lui assénèrent alors sur les tempes et sur les épaules un grand nombre de coups qui l'étourdirent. Ils lui relevèrent sa chemise sur la tête et se préparèrent à lui trancher les mains, parce que ses boutons la retenaient au poignet. Heureusement, il déboutonna la manche avec ses dents, et les voleurs s'enfuirent avec leur butin. À quelque distance de là, des Indiens qui dînaient l'invitèrent à s'arrêter, mais il fit la sourde oreille et marcha en hâte sur le rivage. Deux autres naturels le voyant ainsi dépouillé ôtèrent sur le champ leurs vêtements dont ils le couvrirent et le menèrent à la place du marché où se trouvait un grand nombre d'insulaires. Au moment où M. Sparman parut dans l'état que je viens de décrire, ils prirent la fuite en grande hâte. Je me trouvais précisément là, et je crus d'abord qu'ils avaient volé quelque chose. Mais je fus bientôt détrompé quand nous aperçut M. Sparman et qu'on nous raconta l'affaire. Je rappelai quelques Indiens et je les assurai que je ne me vengerais point sur les innocents. Puis j'allai me plaindre à Oreo de cet outrage, et j'emmenai l'homme qui était revenu avec M. Sparman afin qu'il appuyât mon témoignage. Dès que le chef eut entendu les détails de cette attaque, il pleura et poussa des cris. Quand les premiers transports de son chagrin furent passés, il se mit à faire des reproches à son peuple, auquel il dit, autant que nous pûmes le comprendre, de quelle manière amicale je l'avais traité dans ce voyage et combien il était honteux de commettre de pareilles actions. Il se fit répéter ce qu'on avait volé à M. Sparman et promit de ne rien négliger de tout ce qui dépendrait de lui pour le retrouver. Puis se levant, il me pria de m'accompagner à mon bateau. Ses sujets présents craignaient, à ce que j'imagine, pour sa sûreté, car ils employèrent toutes sortes d'arguments pour le dissuader de son projet qui leur semblait téméraire. Cependant, malgré tout ce qu'ils purent dire ou faire, il entra sur mon bord. Quand ils aperçurent leur chef bien-aimé absolument en mon pouvoir, les naturels poussèrent un grand cri. Le chagrin peint sur leur visage était inexprimable. Ils étaient tout inondés de larmes, ils prièrent, supplièrent, et même, ils entreprirent de l'arracher de notre bateau par la force. Je joignis alors mes prières aux leurs, car je souffrais trop de les voir dans une si cruelle détresse. Tout fut inutile. Oreo insista pour que je vinsse m'asseoir à bord près de lui, et quand j'y fus, il ordonna de voguer au large. Sa sœur, aussi courageuse que lui, fut la seule personne qui ne s'opposa pas à son départ. Comme son intention était de courir avec nous après les voleurs, nous allâmes par eau aussi loin que la côte le permit. Après avoir débarqué, nous entrâmes dans l'intérieur des terres et nous parcourûmes quelques milles, le roi nous servant de guide et questionnant tous les gens qu'il rencontrait. Au bout de quelque temps, je m'opposais à ce qu'il nous conduisît plus loin. Les bagatelles que nous réclamions ne valaient guère la peine d'être remportées, quand bien même on les aurait rendues. Le chef essayait de me persuader, mais j'étais décidé à m'en retourner, et il fut obligé de condescendre à ma volonté, voyez bien que je ne le suivrais pas davantage. En arrivant à notre bateau, nous y trouvâmes la sœur d'Oreo et plusieurs autres insulaires qui s'étaient rendus par terre au rivage. Sur le champ, nous repartîmes pour le vaisseau, sans même dire au chef de nous accompagner. Il persista cependant à nous suivre et monta avec nous en dépit de l'opposition et des prières des naturels qui l'entouraient. Sa sœur imita son exemple. Les larmes et les supplications de sa fille, âgée d'environ 18 ans, ne l'arrêtèrent point. Cette jeune personne, dans l'excès de sa douleur, se faisait avec des coquilles des blessures à la tête, et sa mère fut obligée de les lui arracher des mains. Le chef s'assit à notre table et dîna de bon cœur. Sa sœur, suivant la coutume, ne mangea rien. Après dîner, je payai par mes libéralités la confiance qu'ils avaient eue en moi, et je les mis tous deux à terre au milieu de plusieurs centaines de leurs sujets qui les attendaient. Beaucoup embrassèrent leur chef avec des larmes de joie. Tout respirait alors le contentement et la paix. Le peuple accourait en foule de tous les cantons avec des cochons, des volailles et des fruits, de sorte que nous en remplîmes deux bateaux. Oreo lui-même m'offrit un gros cochon et quantité de fruits. On nous rapporta la dague, seule chose de valeur que M. Sparman eût perdue, avec un pan de son habit, et on nous assura que nous recevrions le reste le lendemain. Ainsi finit cette journée tumultueuse, dont j'ai parlé avec détail, parce qu'elle montre combien de confiance ce brave chef avait en nous. On a peut-être en droit d'en conclure que l'amitié est parmi eux chose sacrée. Nous étions, Oreo et moi, de véritables amis. Nous avions accompli toutes les cérémonies en usage dans ce pays. Il semblait croire que personne ne pouvait briser ce respectable lien. Il me parut que c'était là le grand argument qu'il employa quand ses sujets voulurent l'empêcher d'entrer dans mon bateau. Il leur disait à peu près ceci. « Oreo, car c'est ainsi qu'il m'appelait toujours, et moi sommes amis. Je n'ai rien fait pour perdre son amitié. Pourquoi n'irais-je pas avec lui ?» Nous n'avons cependant trouvé aucun autre chef qui voulût agir ainsi en pareille circonstance. Si l'on demande ce qu'il avait à craindre, je répondrai « rien », car je ne voulais pas lui faire le moindre mal, ni le retenir un moment de plus qu'il ne le souhaiterait. Mais ses sujets, lui, étaient excusables de ne pas le savoir. Il voyait bien que dès qu'il serait en mon pouvoir, toutes les forces de l'île ne suffiraient pas pour l'en arracher, et qu'il devrait me payer pour sa rançon tout ce qu'il me plairait de leur demander. Ils avaient donc de justes motifs d'inquiétude. Le 7, de grand matin, tandis que les vaisseaux démarraient, j'allais, accompagné du capitaine Furneaux et de M. Forster, faire ma visite d'adieu à Oreo. Nous lui portâmes en présent des choses utiles. Je lui laissai aussi la première inscription qu'il avait si bien conservée déjà, et j'y ajoutai une autre petite planche de cuivre sur laquelle sont gravés ces mots. Les vaisseaux de Sa Majesté britannique, la Résolution et l'Aventure ont mouillé ici en septembre 1773. J'y joignis quelques médailles et je renfermai le tout dans un sac. Il me promit d'en prendre soin et de le montrer au premier vaisseau qui arriverait. Ce bon vieillard m'embrassa, les larmes aux yeux. À peine eus-je monté à bord qu'il vint nous y rejoindre. Il reste avec nous jusqu'à ce que nous fûmes à plus d'une demi-lieue en mer. Il me fit ensuite de tendres adieux et s'en alla sur une pirogue manœuvrée par un seul homme et par lui-même. Toutes les autres étaient parties. Avant de quitter cette île, le capitaine Furneaux consentit à recevoir à son bord un jeune homme nommé Omai, natif d'Ulietea, où il avait eu quelques biens dont les insulaires de Bola Bola venaient de le dépouiller. Je m'étonnai d'abord qu'il se fût chargé de cet Indien, qui n'étant remarquable ni par sa naissance, ni par son rang, ni par sa taille, sa figure ou son teint, ne pouvait, suivant moi, donner une idée juste des habitants de ces îles heureuses. Cependant, depuis mon arrivée en Angleterre, j'ai été convaincu de mon erreur, car excepté son teint, je ne sais pas si aucun autre naturel aurait donné par sa conduite une satisfaction plus générale. Son maintien intéressant le rendait agréable à la meilleure compagnie, et un noble sentiment d'orgueil lui apprenait à éviter la société des personnes d'un rang inférieur. Immédiatement après son arrivée à Londres, le comte de Sandwich, premier lord de l'amirauté, le présenta au roi, qui lui fit bon accueil. Il conçut dès lors un sentiment profond de reconnaissance et de respect pour cet aimable prince, et je suis sûr qu'il le conservera jusqu'à la fin de sa vie. Il a été reçu et choyé par la première noblesse d'Angleterre, et jamais il n'a démérité de l'opinion avantageuse qu'elle avait de lui. Il est à noter que, quoique Omai en Europe ait toujours vécu au sein des plaisirs, retourner dans sa patrie n'est jamais sorti de son esprit. Il n'était pas impatient de partir, mais il témoignait du contentement à mesure que l'instant du départ approchait. Il s'est embarqué avec moi sur la Résolution, qui a entrepris un autre voyage autour du monde et vers le pôle austral, chargé de présents, pénétré de reconnaissance pour les bontés et l'amitié qu'on a eues pour lui, et après avoir subi heureusement l'inoculation de la petite vérole, maladie qui fut fatale à Aotourou, le Tahitien, que M. de Bougainville avait amené en France. Dès qu'Oreo eut quitté notre bord, nous fîmes voile pour Ulietea, où je comptais rester quelques jours. Nous arrivâmes en travers du havre d'Oamaneno à la fin du jour. Le lendemain matin, nous gagnâmes l'entrée, et comme le vent soufflait droit contre le fond de la baie, un bateau partit pour aller sonder afin de voir où l'on pourrait jeter l'ancre. Quand il eut fait le signal convenu, nous mouillâmes dans un endroit convenable. Quand les naturels du pays nous virent mouillés, nous fûmes entourés par une foule de leurs pirogues chargées de cochons et de fruits. Ils échangèrent les fruits contre des clous et des grains de verre. Nous refusâmes les cochons, car nous en avions déjà plus que ne pouvaient en contenir les vaisseaux. Il fallut cependant en accepter plusieurs, qu'on nous força d'accepter, ou qu'on laissait dans nos chaloupes quand on ne voulait pas les prendre à bord. C'est ainsi que ce bon peuple nous accueillait. J'ai oublié de dire qu'on s'informe beaucoup de Tupia à Wahaïm, mais ici chacun insulaire demandait de ses nouvelles et voulait savoir comment il était mort. En vrai philosophe, ils furent satisfaits des raisons que nous leur donnâmes. Ne disant que la vérité, le dernier des matelots racontait l'histoire de la même manière que moi. Le 10 septembre, après déjeuner, nous fîmes, le capitaine Furneaux et moi, une visite au chef, et il ordonna de jouer pour nous une éada, ou comédie dramatique. Trois tambours composaient la musique. Il y avait sept acteurs et une femme, fille du chef. La seule partie amusante de la pièce fut un vol commis par un larron et son complice, d'une manière très adroite, qui montrait assez le génie du peuple pour ce vice. Le vol se découvre avant que le voleur ait le temps d'enlever ce qu'il a pris. Il y a ensuite un combat avec des gardes, qui bien que 4-2 sont chassés de dessus le théâtre, tandis que le voleur et son complice emportent le butin en triomphe. Après la pièce, nous allâmes dîner à bord, et durant la fraîcheur du soir, nous fîmes une nouvelle promenade à terre. Nous apprîmes d'un des insulaires que 9 petites îles, dont 2 sont inhabitées, gisent à l'ouest, à peu de distance de là. Ayant pris beaucoup de rafraîchissements à bord, je me décidai le 17 septembre à reprendre la mer. J'en informai le chef, qui me promit de me voir encore avant mon départ. À 4 heures, nous commençâmes à démarrer, et dès qu'il fit jour, le chef, son fils et quelques-uns de ses amis vinrent à bord avec plusieurs pirogues chargées de fruits et de cochons. Les Indiens nous disaient « Toyo, boa, atoy »« Ami, prends mon cochon et donne-moi une hache. » Mais nos ponts étaient déjà si remplis que nous pouvions à peine nous y remuer. Nous avions à bord des 2 vaisseaux entre 300 et 400 cochons. Les uns pesaient 100 livres et même davantage. Les autres pesaient en général de 40 à 60 livres. Il n'est pas nécessaire de dire combien nous en aurions acheté et embarqué si nous avions eu de la place pour mettre tous ceux qu'on nous offrit. Le chef et ses amis ne nous quittèrent que quand nous fûmes sous voile, et avant de m'embrasser, il me demanda avec insistance si je ne reviendrais pas et à quel moment, question que m'adressaient presque chaque jour plusieurs des insulaires. Notre jeune Tahitien nous avait quittés, et son départ ne me laissa pas de regret, car un grand nombre d'insulaires, nous l'y étaient à, s'offrirent d'eux-mêmes à me suivre. Je jugeai à propos d'en prendre un à bord. Âgé de 17 à 18 ans, il s'appelait Oedidé. Il était natif de Bola Bola et proche parent d'Opuni, chef de cette île. Je ne le crus pas d'abord capable de renoncer à la douce vie que mènent sur ces îles les personnes de son rang, et souriant à sa proposition, je lui peignis les fatigues auxquelles il s'exposerait en quittant son pays. J'eus soin de lui parler de la rigueur du climat, de la mauvaise qualité des aliments, mais rien ne put changer sa résolution et ses amis se joignirent à lui pour me prier de l'emmener. Ceux-ci, au moment où il s'embarqua, vinrent lui faire leurs derniers adieux et lui donnèrent des étoffes et, comme provision de route, du fruit à pain fermenté, substance qu'ils aiment passionnément et qui est très nourrissante. En quittant Ulietea, je portai le cap à l'ouest afin de sortir de la route des premiers navigateurs et d'entrer dans le parallèle des îles de Middelbourg et d'Amsterdam, car je me proposais de me diriger vers ces îles et d'y toucher, si je le jugeais convenable, avant de me rendre à la Nouvelle-Zélande. Après un mois de séjour à Tahiti et dans les îles voisines, nous ne nous ressentions plus en rien de notre première campagne qui avait été si pénible. Nous étions forts, bien portants et pleins de courage. Il n'y avait pas un seul scorbutique sur les 2 vaisseaux. Les provisions fraîches que nous emportions nous promettaient la santé pour longtemps. Eudidé, le jeune insulaire que nous avions pris à bord, fut très attaqué du mal de mer dès que nous fûmes au large. Cependant, comme nous regardions le pic élevé de Bola Bola, il eut assez de force pour nous dire « Je suis né sur cette île, et je suis proche parent d'Opuni, le grand roi qui a conquis Otaha et Ulietea. » Notre jeune ami ne recouvra son appétit que le lendemain. Il mangea un morceau d'un dauphin qui avait été pris par un matelot et qui pesait 28 livres. On lui proposa de le lui apprêter, mais il nous assura que c'était bien meilleur cru. On lui donna un vase rempli d'eau de mer, dans laquelle il trempa la chair du dauphin comme dans une sauce. Il mangea avec un grand plaisir. En place de pain, il mordait alternativement dans un morceau de maï ou pâte de fruits à pain fermenté. Avant de s'asseoir pour prendre son repas, il eut soin de mettre à part de petits morceaux de chair de dauphin et de maï qu'il offrit à l'étoile ou divinité, prononçant en même temps quelques mots que nous jugeâmes être une courte prière. Il fit la même cérémonie 2 jours après, en mangeant du goulut de mer cru, ce qui prouve que ses compatriotes ont des principes de religion. Le 25, à 10 heures du matin, on vit du haut des mâts une terre composée de 3 ou 4 petits îlots réunis par des brisants. À l'aide de nos lunettes, nous observâmes que la côte était sablonneuse, mais revêtue çà et là de verdure. Rien n'annonçait des habitants, et j'ai lieu de croire qu'il n'y en a point. j'ai nommé cette île île d'Hervé, en l'honneur du capitaine Hervé, l'un des lords de l'amirauté. Le 1er octobre, nous vîmes l'île de Middlebourg à la distance de 4 lieues. Nous apercevions en même temps une autre terre dans le nord-ouest. Le lendemain, à la pointe du jour, nous arrivâmes sur le côté sud-ouest de Middlebourg. Dès qu'on eut jeté l'ancre, nous fûmes entourés par un grand nombre de pirogues remplies d'Indiens qui nous apportèrent des étoffes, des outils, etc., qu'ils échangèrent contre des clous. Il faisait beaucoup de bruit. Chacun montrait ce qu'il avait à vendre en criant pour attirer des acheteurs. Leur langage n'est pas désagréable, mais ils prononçaient sur une espèce de ton chantant tout ce qu'ils disaient. Je gagnais par des présents l'amitié du chef qui se nommait Tiouni. Il admirait beaucoup nos étoffes et nos toiles anglaises. Il donna ensuite la préférence à nos outils de fer. Son maintien était très libre et très déterminé, car il entra dans la grande chambre et partout nous jugeâmes à propos de le conduire. Je m'embarquai bientôt sur une chaloupe avec plusieurs personnes de nos équipages et Tiouni, qui nous conduisit dans une petite crique où le débarquement était fort aisé et les bateaux à l'abri de la houle. Une grande quantité d'Indiens poussa des acclamations à notre arrivée sur la côte. Il n'y en avait pas un seul qui eût un bâton, signe indubitable de leur disposition pacifique. Le chef fit ouvrir un passage au milieu d'eux et nous descendîmes à terre. Ils nous portèrent sur leur dos hors de nos chaloupes. Le chef nous mena ensuite à son habitation, agréablement située à environ 400 pas du rivage, au fond d'une belle prairie et à l'ombre de quelques arbres. On voyait au fond la mer et les vaisseaux à l'ancre, derrière et de chaque côté de jolies plantations qui annonçaient la fertilité et l'abondance. Le plancher était couvert de nattes sur lesquelles nous nous assîmes, et les naturels, s'asseyant aussi autour de nous, nous environnèrent. On avait apporté des cornemuses et j'en fis jouer. Le chef de son côté commanda 3 jeunes femmes de chanter ce qu'elles firent de bonne grâce. Comme je leur offris à chacune un présent, toutes les autres se mirent immédiatement à les imiter. Leur chant était musical et harmonieux. Il n'avait rien de faux ni de désagréable. Il était plus savant que celui des Tahitiens. Les chanteuses battaient la mesure en glissant le second doigt sur le pouce, tandis que les 3 autres doigts restaient levés. Durant ce concert, un vent léger embauma l'air d'un parfum délicieux. Nous ne découvrîmes pas d'abord d'où cela provenait, mais, apercevant enfin derrière la maison des arbres touffus, nous reconnûmes qu'étant de l'espèce des orangers et tout couverts de fleurs blanches, c'était eux qui répandaient cette bonne odeur. Bientôt, on nous offrit des fruits de ces arbres. Ces aimables insulaires n'avaient jamais vu d'Européens, et une tradition très imparfaite pouvait seule leur rappeler le voyage de Tasman. Toute leur conduite annonçait un caractère très franc et généreux, sans basse défiance. Le soir amena tout le monde à bord. Chacun était enchanté du pays et du bon accueil de ses habitants. Le lendemain, dès le grand matin, je mis le cap sur l'île d'Amsterdam. Les insulaires étaient si peu effrayés de nous que 3 pirogues vinrent à notre rencontre. Ils s'efforcèrent de monter sur la résolution, mais nous ne diminuâmes pas de voile, et la corde que nous leur jetâmes s'étant brisée, ils tentèrent de monter sur l'aventure. Leur entreprise, cependant, n'eut pas un meilleur succès. Nous aperçûmes 4 naturels courant le long de la grève et déployant de petits pavillons blancs que nous prîmes pour des symboles de paix. Nous leur répondîmes en hissant le pavillon britannique. 3 insulaires de Middlebourg, qu'on avait laissés je ne sais comment à bord, nous quittèrent alors et allèrent à la nage aborder sur la côte. Ils ne savaient pas que je voulais m'arrêter à cette île et ils n'avaient point envie de s'embarquer avec nous. Plusieurs pirogues, montées chacune par 3 hommes, vinrent à notre rencontre. Les Indiens nous présentèrent quelques racines de poivriers et montèrent ensuite à bord sans cérémonie. Ils nous invitaient, par tous les signes d'amitié qu'ils pouvaient imaginer, d'aller dans leur île. Ils nous indiquèrent un mouillage et nous mouillâmes en effet dans la rade Van Diemen. Ainsi que ceux de l'île de Middlebourg, ces naturels apportèrent des étoffes, des nattes, des outils, des armes et des ornements que nos matelots achetèrent et payèrent de leurs propres habits. Comme l'équipage se fut bientôt ressenti des conséquences de ce trafic, je défendis d'acheter aucune curiosité. Cet ordre produisit un bon effet, car les insulaires, voyant que nous ne voulions absolument que des comestibles, nous apportèrent des bananes et des noix de coco en abondance, des volailles et des cochons. Ils les échangèrent contre 2 petits clous et des étoffes d'Europe. Ils donnaient un cochon, une volaille pour les plus mauvaises guenilles. M. Forster acheta plusieurs jolis perroquets, des pigeons et des tourterelles très bien apprivoisés. Eudidée, de son côté, fit en plaid de plumes rouges, qui, à ce qu'il nous assura, ont une valeur extraordinaire à Tahiti et aux îles de la Société. Il nous montra, avec un air d'extase tout à fait réjouissant, que la plus petite de ses plumes suffirait à payer le plus gros cochon de son île. Je descendis à terre, accompagné du capitaine Furneaux, de M. Forster, de plusieurs officiers et d'un chef indien nommé Atago, qui s'était attaché à moi dès le premier moment de son arrivée à bord. Atago nous conduisit à une crique étroite où nous débarquâmes à pied sec sur la grève en présence d'une foule nombreuse d'Indiens qui nous reçurent d'une façon aussi amicale qu'à Middlebourg. Après quelques moments passés, nous témoignâmes le désir de visiter l'intérieur des terres. Le chef, comprenant ce que nous voulions, nous mena le long d'un sentier qui conduisait dans une prairie ouverte, à l'un des coins de laquelle on voyait une espèce de temple construit sur un monticule haut de 16 à 18 pieds environ. La forme de ce monticule est oblongue. Il est entouré d'une muraille et d'un parapet de pierre d'environ 3 pieds de hauteur. Au sommet se trouve le temple, de forme oblongue aussi, et qui a 20 pieds de long sur 14 ou 16 de large. Trois vieillards qui en sortirent vinrent se placer entre nous et l'entrée, puis prononcèrent une harangue que je pris pour une prière et qui dura environ 10 minutes. Ensuite les prêtres, car je jugeais que ces Indiens l'étaient, s'assirent parmi nous. Nous leur offrîmes des présents. Leur ayant fait signe que nous désirions voir le dedans du temple, mon ami Atago se leva sur le champ et nous y conduisit sans la moindre répugnance, nous laissant pleine liberté d'en examiner toutes les parties. Nous trouvâmes au fond deux escaliers de pierre qui conduisent au sommet de la muraille. La montée au temple est douce, et là tout autour un chemin de beau sable. Ce temple est d'ailleurs construit de la même manière que les habitations des naturels, c'est-à-dire avec des poteaux et des solives et couvert de feuilles de palmier. Un beau gravier couvrait le plancher, excepté dans le milieu, où l'on voyait un carré oblong de cailloux bleus plus haut que le plancher d'environ 6 pouces. Deux images grossièrement sculptées en bois, longues d'environ 2 pieds, étaient placées au coin. Comme je ne voulais offenser ni les insulaires ni leurs dieux, je n'osais pas les toucher, mais je demandai à Atago, en m'expliquant le mieux qu'il me fut possible, si c'était des Eatua ou dieux. J'ignore s'il me comprit, mais à l'instant il les mania et les retourna avec aussi peu de respect que s'il avait touché un morceau de bois, ce qui me convainquit qu'elle ne représentait pas la divinité. Avant de quitter le temple, nous crûmes devoir enrichir l'autel d'une offrande. Nous laissâmes sur les cailloux bleus des médailles, des clous et plusieurs autres choses, mais mon ami Atago s'en empara immédiatement. Après avoir examiné ce temple qu'il nomme Afiatuka, nous demandâmes à nous en revenir, mais au lieu de nous conduire au bord de la mer ainsi que nous nous y attendions, ils prirent un chemin qui menait dans la campagne. Ce chemin, d'environ 16 pieds de large et parfaitement tenu, paraissait public. Plusieurs autres routes venant de différentes directions y aboutissaient. Elles étaient bordées de haies de roseaux et mises à l'abri du soleil par des arbres fruitiers. Je me crus transporté dans les plaines les plus fertiles de l'Europe. Il n'y avait pas un pouce de terrain en friche. Ces chemins n'occupaient pas plus de place qu'il ne fallait. Les haies ne prenaient que 4 pouces chacune, et même ce terrain n'était point entièrement perdu, car on y voyait des arbres et des plantes utiles. Un pareil spectacle se retrouvait partout. La scène était partout également agréable. La nature, aidée d'un peu d'art, ne se montre dans aucun pays avec plus de splendeur que sur cette île. Ces promenades délicieuses étaient remplies d'un grand nombre d'Indiens. Les uns allaient, chargés de fruits à nos vaisseaux, les autres en revenaient. Ils ne manquaient jamais de nous céder le pas, tournant à droite ou à gauche, s'asseyant ou se tenant debout, le dos appuyé contre les haies, jusqu'à ce que nous eussions passé. Enfin, au bout de plusieurs milles, nous arrivâmes à un Afituka. Nous en avions déjà rencontré plusieurs en chemin, plus grands que les autres, et près duquel était située une vaste maison appartenant à un vieux chef qui nous accompagnait. On nous fit arrêter à cette habitation où l'on nous offrit des fruits. À peine fûmes-nous assis que le plus vieux des prêtres commença une harangue ou prière qu'il adressait à l'Afituka et à moi alternativement. Quand il se tournait de mon côté, il faisait une pause à chaque phrase, jusqu'à ce que par un mouvement de tête, je lui donnasse un signe d'approbation. Bien entendu, je ne compris pas un seul mot de son discours. Quelquefois, ce vieillard semblait ne savoir que dire, ou peut-être la mémoire lui manquait. Dans ces occasions, il était soufflé par un autre prêtre assis près de lui. Après avoir passé quelque temps sur la grève avec les naturels, nous nous dirigeâmes vers une forêt déserte. Nous traversâmes un terrain en friche qui bordait le bois. Une partie semblait être couverte d'ignames, mais le reste, plein d'herbages, avait au centre une mare d'eau stagnante où nous vîmes un grand nombre de poules sultanes. Plusieurs naturels qui se rendaient au rivage passèrent près de nous et inclinèrent poliment la tête en signe d'amitié. Ils prononçaient ordinairement un monosyllabe qui semblait correspondre au mot tahitien Tayo. Les enclos, les plantations et les maisons étaient exactement les mêmes qu'à Millbourg. Ce peuple a eu grand soin de répandre autour des habitations des arbres aux odoriférants. Le printemps qui ramenait toute la nature ornait les plantes de fleurs et, inspirant aux oiseaux des chansons joyeuses, contribuait à rendre tous les objets agréables à nos yeux. L'un des sentiers nous conduisit à un petit bocage charmant par son irrégularité. Un immense casuarina surpassait par sa hauteur tous les autres arbres, et ses branches étaient chargées d'animaux noirs que nous prîmes de loin pour des corneilles, mais que nous reconnûmes, quand nous en fûmes plus près, être des chauves-souris. Attachées au rameau, par leurs griffes crochues, elles se trouvaient quelquefois suspendues la tête en bas. Je leur tirai un coup de fusil et j'en tuai 6 ou 8. J'en blessai plusieurs autres qui restaient raccrochés à l'arbre. Elles étaient de l'espèce appelée communément vampire et avaient 3 à 4 pieds d'envergure. Une troupe nombreuse fut effrayée du bruit de l'explosion et s'enfuit pesamment de l'arbre en poussant un cri aigre. Mais la plus grande partie garda la même position qu'elles ne quittent probablement que pendant la nuit pour chercher leur nourriture. Comme elles vivent surtout de fruits, il est probable qu'elles font beaucoup de dégâts dans les vergers des insulaires. Plusieurs Indiens étaient à côté de moi quand je tirais. Ils parurent très charmés de la mort de leurs ennemis. L'un d'eux avait pris vivante quelques-unes de ces chauves-souris à l'aide d'une cage d'osier très ingénieusement imaginée. L'entrée était semblable à celle d'un verbeux. Les animaux pouvaient aisément y entrer, mais non pas en sortir.